L'indifférence de la justice dans la franc-maçonnerie. On est dans justement ce que je parlais. L'ésotérisme, c'est quoi? L'ésotérisme, c'est la mesure de l'incapacité de l'homme à être individuel pour vrai. Ça devient un phénomène social. Comme ça, c'est tous des groupes. C'est tous des initiés de la connaissance, dans le sens qu'il faut qu'ils s'initient entre eux autres. Ils ne peuvent pas savoir tout seuls par eux-mêmes. Ils ont besoin de leur réseau, ils ont besoin de leur influence, ils ont besoin de leur contexte. Eux autres, un petit jardin, puis tout, puis ce ne sera pas assez. C'est comme des enfants. Ils veulent pas se contenter de ce qu'il y a. Un enfant, il ne faut jamais se contenter de ce qu'il y a s'il sait qu'il y a autre chose qui existe. Il n'y aura pas cette sagesse-là. C'est ça qui manque, la sagesse. Puis ce monde-là, c'est des. Ils se pensent sages. Ils pensent que c'est des sagesses. Tu sais, ils vont te mettre à parler, là, le roi Salomon, puis gna, puis ils pensent que c'est de la sagesse, ça. Ces vieilles niaiseries-là. C'est le contraire de la sagesse. Ça fait partie de l'enfance de l'humanité. Ils perpétuent l'immaturité collective qui continue de diriger en sous-main dans l'ombre. Pourquoi agir dans le secret? Pourquoi être dans le secret? Ben,